Alors, tout d'abord, bonsoir, que je me présente, donc Kevin, géaniste bruxellois. Et on m'a demandé d'animer aujourd'hui la soirée pour parler du communautarisme en GN, un problème qui peut être assez délicat pour certains. Et donc, pour commencer, je pense que quand on parle de communautarisme, il faut s'entendre sur la définition. Qu'est-ce qu'on entend par communautarisme du GN? En sociologie, l'idée de communautarisme dit que tout individu n'existe pas au-delà de ses appartenances. Appartenance au sens large, ethnique, culturelle, religieuse, etc. Or, le GN, que l'on considère comme, soit comme un simple hobby ou même comme un mode d'expression artistique ou culturel, constitue bel et bien une appartenance. C'est un vrai marqueur identitaire, en tout cas à mon sens, qui se décline plus ou moins fortement chez les individus qui le pratiquent. Mais pour pouvoir parler communautarisme, il faut postuler l'existence d'une véritable communauté de géanistes dans le groupe, à nouveau presque au sens sociologique du terme. Un groupe, pour moi, existe si au moins deux individus se définissent eux-mêmes comme faisant partie du groupe et qu'un troisième individu reconnaît cette existence. Et dans tous les cas, il y a des valeurs et des codes propres à ce groupe d'appartenance. Et je pense donc que le GN répond à cette définition, bien qu'il ne s'agisse pas de valeurs ou de codes écrits. Toutefois, je pense qu'il faut nuancer le propos. Il n'existe pas vraiment une communauté géniste. Il y en a toute une variété, des strates entrecroisées autour d'un socle commun. On peut à la fois différencier les niveaux géographiques, communiste local, régional, national, etc. Même si le lien s'étiole au-delà d'une certaine distance, comme le montre l'existence d'une communauté qui s'organise progressivement au niveau européen, alors qu'en fait il y a très peu de socles communs au-delà de celui-ci. On peut aussi différencier les appartenances basées sur le style de jeu au sein de cette même communauté. Là, je vais utiliser un exemple belgo-belge, puisque ici ne se reconnaissent pas toujours de la même communauté ceux qui sont d'un côté nommés par leurs détracteurs les Romano, parce qu'adeptes de jeux à émotions avec des thématiques plus lourdes, ou bien ceux qui pratiquent un GN plus classique, je dirais Metebourg. Même si pour ces catégories, les frontières sont encore assez floues et continuent à se flouter avec l'émergence de styles plus variés, en tout cas ici, entre ce qui est encore considéré comme deux extrêmes. Ce qui m'amène à un autre sens que l'on attribue généralement au terme communautarisme et qui, dans le cas du GN, revient à dire qu'il existe de véritables divisions basé sur ces appartenances de style de jeu que je viens d'aborder. Et malheureusement, à ce sens-là, il existe aussi ce communautarisme-là en GN, même s'il est bien souvent dû à un manque de connaissance des autres types de jeux. Hélas ou heureusement, d'un certain côté, nombre de génistes ne pratiquent qu'un seul style. Et ce qui amène à un certain sectarisme, qu'il soit dû à un refus de changement. Le GN, ça a toujours été comme ça et c'était mieux avant. Ou à une volonté de ne pas être assimilé à ces autres génistes qui ne font pas pareil, ou voire même à une volonté de pureté idéologique, chacun pensant détenir la vérité sur ce que devrait être le GN et se persuadant qu'il ou elle pratique la doxa. Et donc, pour moi, de véritables fractures idéologiques s'opèrent sur base de ces lignes de conflit-là. Pour en revenir à nouveau à cette communauté du GN au sens large, je crois qu'il y a d'autres aspects qui interviennent dans sa définition en tant que groupe, comme la taille, le statut, le rôle ou les normes. La taille dépend évidemment fortement du groupe que l'on analyse au sein de cette communauté. Il y a, pour moi, comme dans tout groupe social, un statut qui désigne la place de l'individu par rapport à une échelle sociale. C'est ici, pour moi, intervient ce que j'appelle une sorte de fame system, sur lequel je reviendrai par la suite. Il y a également un rôle qui désigne un modèle de conduite qui est attribué à chaque individu en fonction de ce statut au sein de la communauté GN. Et il y a évidemment des normes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, donc plutôt un ensemble de règles élaborées par le groupe et auxquelles les individus, en tout cas les participants, doivent volontairement, mais pas forcément consciemment, se soumettre. Normes qui sont caractérisées par la connaissance des valeurs de la communauté GN et un contrôle de l'environnement qui permet une meilleure décision et qui permet ainsi d'éviter des transgressions par rapport à ces règles inconscientes. Normes qui agissent en tant que régulateurs par rapport aux valeurs sociales du groupe GN. Pour ajouter un peu qu'on peut appliquer à cette communauté GN un modèle sociologique qui est celui de l'identification sociale et qui considère que c'est l'attirance sociale plutôt que l'attirance interpersonnelle qui amène l'individu à se rapprocher d'autant plus des autres qu'il présente des attributs qui appartiennent au prototype auquel il s'identifie, à ce prototype du GN. Et si on suit un tel modèle, il existe des meneurs ou meneuses de groupe qui sont particulièrement idéalisés par les autres, par le fait qu'ils ou elles sont le ou les plus représentatives des valeurs et des normes de ce groupe. Avant de revenir sur cette idée de fame system, pour définir ce groupe du GN, il y a quelques caractéristiques qu'on peut mettre en avant pour définir ces individus, en tout cas ces participants. plusieurs capitaux. D'un côté, le capital économique, donc l'ensemble des ressources qu'un participant a à sa disposition, qui limite ou pas sa participation aux événements GN. Un capital immersif, ici je ne parle pas de l'immersion en jeu, mais la capacité d'un membre de la communauté à s'assimiler dans le groupe, à en intégrer les codes, les valeurs et à nouer éventuellement des contacts avec d'autres membres. C'est un capital socioculturel, une sociabilité intrinsèque, des savoirs ou des savoir-faire, des compétences, une certaine forme d'élocution ou une connaissance de l'anglais si on parle du jeune international. Et il y a également un capital symbolique, à savoir toute forme de l'extérieur de cette communauté et qui amène une reconnaissance particulière. Mais pour moi, le capital le plus important et qui est très lié aux autres est bien celui du statut, donc de ce fame level qui représente la visibilité et l'influence acquise au sein de la communauté. Pour moi, celui-ci découle, mais également découle de l'existence de la communauté, mais la définit aussi. Et est à la fois une cause et une conséquence de ce communautarisme. Pour moi, les paramètres de classification de ce fame level qui peuvent être mis en avant sont, ce n'est pas exhaustif, le casting, la capacité ou pas de casting, de sélection sur les gènes qui comptent, entre guillemets, la présence, être présent ou pas sur un certain nombre d'événements, l'organisation, être ou pas organe d'un GN, ou encore mieux d'un GN à succès. Les courants d'opinion, être en avance ou pas sur les courants d'opinion qui se développent dans la communauté du GN, suivre le courant aussi opposé. L'attitude d'autres membres, d'autres personnes disposant de statut au sein de la communauté. Ou encore la théorisation, la capacité à mener des débats, à écrire des articles, voire à théoriser sur la communauté du GN et ses pratiques. Donc pour moi, ce fame system, donc cette existence de statut, le capital le plus fondamental et le plus représentatif des relations hors jeu au sein de la communauté. Et c'est lui qui, à nouveau, une véritable violence symbolique, puisqu'elle renvoie à l'intériorisation par les membres de la communauté, une certaine domination sociale inhérente à la position qu'ils occupent au sein de cette communauté. C'est une violence que je définirais comme infraconsciente, puisqu'elle ne s'appuie pas sur une domination entre individus, mais sur une domination véritablement structurelle, donc d'un statut en fonction d'un autre. Et cette structure fait violence car elle n'est pas perçue, ou en tout cas pas souvent perçue consciemment par les membres de la communauté GN. Et mais elle peut aussi être source d'un sentiment d'infériorité ou d'insignifiance qui est uniquement subie, puisque largement non objective. Donc pour moi, à partir du moment où on prend en compte l'existence d'une véritable unité du GN et l'existence d'un statut, d'un fame level, se pose aussi la question de la responsabilité de ceux et celles que je nomme des influenceurs ou des influenceuses, car plutôt qu'une élite ou une aristocratie du GN, on se trouve en face ou en dessous d'un statut d'influence au sein du monde du GN. C'est aussi en ce sens-là qu'on peut reconnaître dans le GN une vraie communauté, avec ses influenceurs et influenceuses. Par leur statut, ils ou elles se transforment en véritables créateurs et créatrices ou relais d'opinion des courants de pensée et théories dans le GN, et ont la capacité de modifier profondément cette communauté. Et donc, pour parler d'eux, est-ce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités? Est-ce qu'on peut faire porter à des individus une responsabilité qu'ils ou elles n'ont pas forcément voulu, voire ne sont même pas conscients? Faire porter la responsabilité à des individus qui ne l'ont pas forcément voulu amène à considérer le GN non plus comme un simple hobby. Et du sport ou de la musique, qui sont des univers que tout le monde connaît et où il est plus ou moins communément admis que des stars, si on peut les appeler ainsi, ont une certaine responsabilité morale, même qu'ils l'exercent ou pas, dans l'image qu'ils projettent ou dans les idées qu'ils énoncent et propagent. Évidemment, l'échelle du monde du GN est beaucoup plus réduite, mais l'effet reste le même sur la communauté, puisque c'est une constante des relations sociales d'établir une hiérarchie et d'attribuer des rôles de modèle à certains individus. Il est, je pense, totalement illusoire de vouloir s'en affranchir totalement. On peut choisir de réduire cette influence, mais uniquement sur soi-même, puisque vouloir le faire sur d'autres viendrait essayer de gagner soi-même en statut en assumant la fonction de celles et ceux qui en ont. Mais évidemment, c'est dans la nature humaine de vouloir côtoyer les cool kids. Et je pense que oui, la responsabilité de ces influenceurs et influenceuses du GN existe. Je vais aussi revenir en partie sur cette notion d'élitisme, puisque c'est ce que certains entendent par une définition du communautarisme. et que d'aucuns veulent à tout prix voir dans le monde du gène. Pour moi, elle existe en partie, en tout cas dans une certaine mesure, en raison de cette hiérarchie sociale symbolique, mais dans une mesure réduite et marginale par rapport à ce qui est souvent énoncé ou critiqué. On pourrait croire qu'un organisateur, une organisatrice aura tendance à vouloir sélectionner, quand il y a sélection, les gens connus, ceux qui font les jeux les plus réputés, pour augmenter le statut de sa propre création, par exemple. Mais pourtant, à mon sens, c'est loin d'être la norme. Et l'accusation qui a été portée de nombreuses fois, en tout cas ici en Belgique, sur un élitisme supposé dans les jeux qui pratiquent la sélection, vient, je crois, généralement de joueurs ou joueuses qui pratiquent un style de jeu qu'on pourrait qualifier de plus classique, Metfan, et qui se défendent par cette accusation du mépris qu'ils pensent recevoir de la communauté. Donc pour moi, c'est une fausse accusation et un faux problème de parler d'élitisme, mais je vous laisserai en débattre un peu plus par la suite. Et donc pour conclure, parce que je parle beaucoup et sans m'arrêter, il existe donc pour moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, une communauté du GN, et donc par conséquent un communautarisme via une appartenance reconnue depuis le sein de la communauté et depuis l'extérieur. Et cette existence implique un sectarisme entre différentes tendances qui y sont représentées, des accusations infondées d'élitisme, même si le risque existe, et l'existence d'influenceurs et influenceuses, donc un femme système ou femme level, ceux-ci portant une grande responsabilité envers la communauté dont ils et elles sont issus. Et c'est les trois axes de réflexion que je voulais vous proposer après cette brève et un peu chaotique présentation, à savoir ce statut, donc l'existence de ce statut femme level dans la communauté, l'éventuelle responsabilité qu'elle implique, sur cette accusation d'élitisme qui est souvent raccordée à la notion de communautarisme au sein de la communauté GN, et enfin sur le sectarisme qui est pour moi un véritable problème du communautarisme du monde et pas à l'extérieur de celui-ci. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, merci d'avoir noté ce plan. Et je vais vous laisser parler un peu aussi. Alors d'abord, ben, merci pour cette introduction qui était très dense. J'ai toujours un peu du mal à commencer, mais sur cette question du statut ou donc de l'idée qu'il y aurait des personnes qui seraient un peu reconnues, donc mises en exergue par rapport à la communauté, et donc à qui on donnerait un certain pouvoir. Donc là, tu demandes est-ce que ça implique une responsabilité? Pour moi, j'aimerais tourner ça dans l'autre sens, dans la mesure où il me semble que c'est la communauté qui donne du pouvoir à certaines personnes. Et je trouve que c'est une attitude qui, moi, tend à me déranger, en fait, c'est l'attitude de mettre des gens sur un piédestal ou le besoin qu'on a peut-être de rendre des figures plus visibles. C'est quelque chose qui me questionne pas mal ces temps-ci, notamment parce que je me rends compte que des fois, je peux être une figure justement visible qui est un peu mise en exergue, et je trouve que c'est la communauté elle-même produit ces effets de statut sans vraiment questionner ce que ça veut dire que de les produire. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui se trouve aussi dans pas dans les personnes forcément qui ont un statut élevé, mais dans les personnes qui mettent ces personnes à un statut élevé. Je m'exprime très mal, je suis désolée, mais enfin voilà, je m'arrête là. Je pense qu'il y a des choses qui vous aurez peut-être des choses à en dire. D'accord avec ce que tu dis, et d'ailleurs j'aimerais renforcer le truc. Donc ça va on va encore tomber dans l'anecdotique, mais en même temps qu'est-ce que c'est le GN si ce n'est pas de l'anecdote? Et le fait est que en général, quand on se retrouve dans une position donc, de pouvoir par rapport à la communauté ou par rapport à une communauté dans la communauté du GN, c'est souvent dû à une question d'initiative. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est un truc que tous les vieux de la vieille, entre guillemets, vont dire aux nouveaux. Le GN, ce qui est important en GN pour se démarquer, c'est d'avoir des initiatives. Et donc d'agir de son propre chef. Et alors, du coup, je me suis rendu compte de ça récemment, notamment quand j'ai créé deux groupes pour deux GN différents. Un groupe qui est le Shamrock Club pour un petit GN, le GN Red Dawn, et un autre groupe qui sont les Éclaireurs pour le GN de Dracaïs. Et dans ces deux cas, je me suis pas spécialement posé pour être leader en fait à la base. Je voulais juste être avec des amis et j'ai juste pris l'initiative de rassembler les gens. Sauf que fatalement, tout le monde s'est attendu à ce que, vu que j'étais la personne que tout le monde avait en commun plus ou moins, même si entre elles les personnes pouvaient se connaître. J'ai été posé comme leader par défaut parce que j'étais la personne qui a eu l'initiative de la création du truc. Et donc, du coup, ils m'ont aussi donné la responsabilité d'absolument toute la gestion du groupe. Donc, c'est vers moi que les orgas se sont tournés pour savoir qui exactement était dans mon groupe et comment. Quand ils avaient une question à poser au groupe, ils passaient par moi, et etc. Alors qu'à la base, je voulais pas spécialement être leader, je voulais juste organiser les choses. Donc, je pense qu'il y a aussi une question de... Enfin, que la responsabilité, en fait, naît aussi beaucoup... comment dire, de l'activité du joueur et de sa tendance, enfin des personnes en fait qui se retrouvent dans ces statuts-là et de leurs initiatives. Et c'est assez intéressant en fait de voir que beaucoup de choses de GN en fait finissent par tourner autour de ça. Bonsoir, je m'appelle Zandera. En premier lieu, j'aimerais bien revenir sur un élément qui était dans l'intro mais qui n'est pas dans le plan, qui est la notion même de communauté. Bon, l'intro était très intéressante, mais je pense que la communauté... Enfin, il a été dit qu'il n'y avait pas une communauté, mais des communautés. Et je pense que c'est plus fort que ça. Ce sont vraiment des communautés éclatées, très régionales, très centrées sur certains types de jeux. Ce qui fait qu'on a l'impression d'appartenir à une communauté... Mais finalement, on est dans des petits groupes reliés à d'autres groupes, reliés à d'autres groupes, et qui ne forment pas vraiment une communauté. Parfois, les connexions sont fortes. Par exemple, on a un axe de la communauté parisienne, la communauté lyonnaise, enfin Rhône-Alpes, et certaines personnes qui habitent le sud-est, qui sont tellement reliées que ça forme une espèce de... d'ensemble de communautés qui en forment presque une, mais à part ça, au niveau national, c'est très éclaté, avec quand même des individus qui peuvent être liés à des communautés autres, mais les liens sont assez faibles, de ce que j'ai pu voir. Ensuite, par rapport à ce qu'a dit Ripstone, je pense que la question d'être leader ou leaduse est différente au moins en partie du fait d'avoir un haut statut. C'est-à-dire que être leader et leaduse va en effet donner un petit peu de statut sur une échelle très locale, mais il y a des personnes qui sont connues de façon plus large, généralement des gens qui font du GN depuis longtemps, donc qui ont été leader ou leaduse sur un grand nombre de projets ou qui ont joué sur beaucoup de jeux sans forcément être souvent orga, mais qui ont un charisme qui font que ces personnes sont connues. Ou aussi des personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux et ainsi acquièrent du statut par ce biais-là. Ensuite, ce statut, j'ai pu constater à plusieurs reprises, comme l'a dit Axel, que c'était vraiment quelque chose de l'extérieur. C'est-à-dire que finalement, c'est les personnes qui ont un haut statut, elles ont un haut statut auprès des personnes qui ne la connaissent pas, qui ne les connaissent pas. Les personnes qui les connaissent, elles, ne leur accordent pas un statut particulier. Ainsi, quand j'ai commencé le GN, pendant les premières années, j'entendais beaucoup parler de certaines personnes et je les mettais peut-être un peu sur un piédestal, ou au contraire, avait peut-être une vision un peu méfiante par rapport au fait que ces gens, tout le monde en parlait, et bon, ça me rendait méfiante. Et puis, j'ai rencontré ces personnes-là, j'ai rencontré leur entourage, je me suis un peu intégrée à leur mini-communauté, puisque comme j'ai dit, les communautés s'ont éclatées. Et en fait, au sein de leur propre communauté, ces gens-là n'avaient pas du tout le statut qu'on leur prêtait de l'extérieur, que c'était voilà, c'était très exagéré en fait, et que c'était vraiment une vision des gens qui ne connaissaient pas les personnes en question. Ok, donc moi pour revenir là-dessus, je voudrais introduire une notion que j'ai découverte récemment grâce à un autre GNiste et qui est la notion de capital social. Et on en discutait dans le cadre de parler des questions de statut liées au GN. Et le capital social, ce sont donc tous les éléments qui vont faire que dans une certaine communauté ou dans un certain milieu, vous allez pouvoir exercer de l'influence. Donc ça peut être lié à toutes sortes de choses. Et donc ce qui pourrait rejoindre le fait que bah, y a plein d'éléments, que ce soit le fait d'être organe, le fait d'écrire, le fait d'avoir un discours, qui vont s'additionner en termes de capital social, et que c'est effectivement là encore quelque chose que les autres vont me donner plus que quelque chose de consubstantiel à toi-même. Et c'est vrai que l'expression m'avait paru assez bien trouvée pour analyser un peu ces mécanismes de statut dans le gène. Et puis, bah, mon anecdote à moi, c'est la manière dont j'ai un peu découvert les problèmes de capital social me correspondant, puisque en particulier à une époque où vraiment celle où j'étais encore plus active, c'est-à-dire orga, écrivant, à l'époque où il y avait encore très peu de gens qui écrivaient, qui commençaient à théoriser sur le gène, et sur le défunt. Et sur le défunt forum murderparty.org, un jour, mes arguments étaient déconscients en disant « Mais toi, tu es une géniste populaire. » Donc, j'ai eu ce moment de réactance extraordinaire parce que ça m'a beaucoup vexée. Mais ensuite, ça m'a donné à réfléchir. Et effectivement, l'expression populaire n'était pas forcément celle que j'aurais mis là, ça m'a forcé à prendre du recul sur ma position. Effectivement, le type d'influence que je pouvais avoir en tant que créatrice de GN et en tant que personne ayant un discours sur le GN. Donc ça m'a vraiment fait prendre beaucoup de recul et donner à l'autocritique. Donc je suis vraiment reconnaissante à cette personne de m'avoir un peu secouée là-dessus. D'ailleurs, Saki, si tu m'entends, big up à toi pour ça. Et ensuite, sur l'utilisation, je sais que quand j'ai commencé avec d'autres, à parler sécurité émotionnelle, à parler prévention du harcèlement. Bon, au début, ça ne s'est pas fait sans résistance. Et je me rappelle très bien deux moments où j'ai insisté, fait un peu pression sur d'autres personnes de mon groupe et de mon association, en ayant précisément conscience que j'avais un statut, donc suffisamment de capital social pour pouvoir risquer ça et pour savoir que professer des opinions impopulaires n'allait pas risquer mon exclusion parce que j'étais suffisamment installée et que quelque chose n'ayant pas le même statut, n'ayant pas le même capital social ne pourrait pas forcément se permettre. Et c'est vrai que là, pour le compte, j'avoue que j'ai eu une certaine satisfaction à faire un peu pression en sachant que je pouvais me le permettre. Alors avec le fait que c'était dommage qu'il faille du statut pour pouvoir se permettre de parler sécurité, de parler prévention du harcèlement, mais au moins que pour le compte, ça servait à quelque chose qui pouvait être bénéfique. En tout cas, c'est comme ça que je le défendrais. C'est vrai que c'est assez intéressant en fait de se rendre compte du pouvoir qu'on peut avoir à travers les contacts qu'on possède, mais surtout à travers le fait qu'on parle de nous. Et c'est pour ça que je pense que c'est à ce point-là que l'initiative est au centre de ce truc. Mais cela dit, pour en revenir au sujet principal, donc qui est la responsabilité qu'on a de par notre statut, je pense qu'elle n'est pas dissimilaire de celle qu'on peut attribuer à celle des créateurs de la pop culture, que ce soit les acteurs, les scénaristes, les producteurs, etc. Parce que quelque part, quand on a quelque part dans ces situations-là un rôle de normalisation de la chose. Donc encore une fois, c'est parce que toi tu peux le dire et de manière à ce que ce soit entendu, mais aussi à ce que ce soit propagé en fait par des gens que tu connais, et que ce soit et que tu puisses atteindre des plateformes de discussion telles que celle-ci ou des plateformes plus publiques comme des groupes d'orga, etc. Comme des groupes publics dans des GN. Je pense que c'est assez intéressant de constater que finalement la responsabilité de GNistes populaires, comme que ce soit à des échelles petites et locales, ou à des échelles énormes comme celle d'Alex Lorouiste, par exemple, la responsabilité qu'on peut avoir, je pense, notamment et tous les jours, je veux dire, pas juste de manière ponctuelle en tant que en tant qu'organisateur ou en tant que régulateur d'un groupe. On va pouvoir l'avoir aussi dans notre représentation en fait de l'univers du GN. Parce que là où je suis pas d'accord avec Zandera, c'est que même si en effet la communauté du GN entre guillemets est composée de plein de petits groupes, il y a un consensus, il y a des consensus au niveau de la commune, enfin au niveau du GN, de la même façon qu'il y a des consensus au niveau du jeu de rôle. Sinon, il n'y aurait pas de groupes tels que Rôlistes de France et Serial Rallistes, il n'y aurait pas de grands lieux de discussion comme cela, sur lesquels s'échangent des tas et des tas de courants de pensée. C'est pas pour, c'est, et sur lesquels on retrouve en fait les mêmes thématiques. C'est pour moi, dans le sens où on peut dire qu'il y a une communauté du GN, il y a le fait que on y retrouve les mêmes problèmes de harcèlement, on y retrouve les mêmes problèmes de réflexion sur qu'est-ce qui fait un GN, et surtout, on a les, y a un besoin en fait d'avoir des figures importantes qui vont être celles de la normalité dans le GN en général, même si y a une grosse division en termes de genre et de région. Et par genre, j'entends genre de GN, comme je dirais genre littéraire. Alors, qu'il y ait des consensus, oui, mais en revanche, contrairement aux jeux de rôle, je ne connais pas, peut-être que ça existe, mais je ne l'ai pas vu, de vrais grands groupes actifs de communication entre les différentes communautés de GNistes. Il n'y a pas l'équivalent de jeux de rôle France. Enfin, on a la FEDGN, mais qui est juste, enfin, au final, c'est juste une structure pour l'assurance, hein. Je pense que pour la plupart des gens, ça ne va pas au-delà. C'est quelques stands, quelques petits trucs pour promouvoir l'activité. Mais ce n'est pas vraiment une... et puis, il y a l'AG, en effet, qui réunit une fois par an des gens venant de milieux différents. Mais c'est juste une fois par an. Le reste de l'année, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de communication entre les différentes communautés. Entre des communautés proches, oui, ce qui peut faire un effet tache d'huile où les choses se répandent puisqu'il y a des gens qui sont dans différentes régions, qui sont dans différents types de jeux et donc qui peuvent apporter des idées qu'ils ont vues quelque part à un autre endroit. Mais finalement, c'est un phénomène de bouche à oreille. C'est pas une communication globale de la communauté, enfin, il n'y a pas de groupe Facebook où on voit des GNistes de partout, enfin de partout en France ou en francophonie, excusez-moi, je devrais dire francophonie parce qu'il y a au moins un Belge, et de tout type de GN parler ensemble plus que ça. Il y a des petits groupes de réflexion sur l'écriture, des petits groupes très ciblés, mais voilà, je ne connais pas quelque chose de plus général que ça. Sinon, sur la question de la responsabilité. Alors oui, une personne qui a un haut statut a peut-être un petit peu plus de responsabilité dans le sens où elle a une voix qui porte plus, mais à l'heure des réseaux sociaux, je pense qu'il faut se méfier de cette idée parce qu'au final, il y a des personnes qui se disent, puisque moi je ne suis pas quelqu'un de connu, qui pensent qu'ils ne sont pas quelqu'un de connu, ces personnes se permettent de dire n'importe quoi, alors qu'en fait, ils ont une audience beaucoup, enfin, large, qui peut être très large. Et comme je le disais tout à l'heure, le statut, il est de l'extérieur et les gens ne s'en rendent pas forcément compte eux-mêmes qu'ils en ont. Donc, je pense qu'il faut se méfier avec l'idée que ce sont les personnes connues qui ont une responsabilité, et bien se rappeler que tout le monde doit être responsable, puisque aujourd'hui, tout le monde a de l'audience. Alors moi là-dessus, je vais être un peu à mi-chemin entre vous deux, je pense, parce que je suis aussi assez méfiante sur l'idée qu'il y a une communauté du GN, nous les GNistes, ça tend à être trop, enfin, à être trop générique, et aussi la question de savoir ce qui fait la communauté et le sentiment d'adhésion, ça devient vite compliqué. Et en même temps, pour ce qui est des questions de statut, il y a définitivement quelque chose qui va être quand même transversal, quelle que soit la fragmentation géographique par ailleurs, avec des plateformes type électrogène qui sont quand même assez souvent citées, avec des noms qui circuleront. Alors après, pour le compte, je pense que ça a déjà été mentionné, c'est peut-être aussi une question de style. Mais par exemple, la manière dont il y a eu justement des débuts de rapprochement entre les génistes francophones et les génistes belges, quand il a commencé à y avoir du narratif qu'on construit en Belgique, bon, ça montre que les passerelles, finalement, elles se font très rapidement, même si elles ne sont pas formalisées en disant on a le forum des géanistes, le groupe Facebook géaniste. Donc voilà, je pense qu'on est un peu entre les deux. On est à la fois dans quelque chose de très fragmenté, mais où des statuts transnationaux, transrégionaux ou transcommunautés existent définitivement. Et ensuite, pour la question de la responsabilité, pareil, c'est un peu entre les deux. Donc, je racontais tout à l'heure ma douloureuse découverte de la question du statut et du capital social. Et je pense que c'est effectivement une communication à faire et que utiliser son capital social de manière responsable, c'est quelque chose qui ne peut venir que de soi, parce que si ça devient une exigence extérieure, vous allez vous retrouver avec des gens en pleine réactance, exactement de la même manière que la première fois qu'on m'a dit « tu es une géaniste populaire », ma réaction, ça a été « oui, mais non, mais pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette logique et en quoi d'ailleurs ça devrait invalider mon opinion ?» Donc pour moi, si on veut agir de l'extérieur, l'idée, c'est précisément d'essayer d'amener les gens à prendre conscience de leur statut, de leur capital social et de l'influence qu'ils peuvent exercer, surtout si, comme tu disais, Zandera, ils n'en ont pas forcément conscience. Et qu'ensuite, justement, l'intérêt de se retrouver à avoir du statut, c'est qu'on peut, comme je racontais, amener des questions, par exemple, sur la sécurité et aussi soulever les autres, soutenir les autres et faire en sorte d'utiliser son statut pour soutenir des voix qui n'en ont pas forcément, pour soutenir des organisateurs, des débutants, leur faire de la pub, par exemple, il doit y en avoir d'autres. Du coup, pendant que vous évoquez tout ça, j'aimerais quand même ramener un petit peu l'attention sur ce qu'a mentionné Axel au tout début, à savoir le fait que c'est bien de considérer ce que, en tant que géaniste avec du statut, on peut avoir comme influence et comme responsabilité et comme utilisation de notre capital social, ce qui est un super terme d'ailleurs, Muriel. Mais d'un autre côté, c'est aussi important, en fait, je pense, de se demander comment ce statut, en fait, arrive, et surtout de s'éviter, en fait, de trop suivre, en fait, nous-mêmes de trop subir l'influence du statut des autres, de trop s'y fier. Par exemple, c'est récemment, je regardais la page de Alex le Rôliste, d'ailleurs qui est souvent un petit peu j'ai remarqué dans sa section de commentaires une assez grosse section de débat sur pas mal de sujets des fois, mais notamment je me demandais, attends, comment ça se fait que ce type est si populaire que ça, alors que en soi, je le vois pas faire tant de choses que ça, super grosse en GN. Je veux dire, il a été à Kando et il était pas si big deal que ça, il était sympa, mais sans plus. Les posts qu'il fait, c'est des mèmes qui sont assez relatables, enfin, qui sont assez, avec lesquels dans lesquels on s'identifie facilement en tant que géaniste. Mais à part le fait qu'il y en a pas beaucoup d'autres pages qui en font, il n'y a pas une grande qualité qui justifie sa popularité. Et je suis en train de me dire que finalement, encore une fois, on en revient au fait qu'il a pris l'initiative de le faire. Et je pense que c'est aussi ça qui attend, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas de vrais grands espaces de débat sur le GN, à part qu'on finit par approprier comme ça, comme ces sections commentaires, ou des groupes comme Demain les rôlistes domineront le monde, mais pas demain il y a GN. C'est qu'en fait, on a tendance en GN à attendre un héros Et ce héros, bah pour l'instant, c'est Alex le rôliste, et le gars est très sympa, hein. Il essaye même d'être woke par moment, mais à part ça, voilà quoi. Je pense qu'il faut aussi qu'on se déconstruise là-dessus et sur le fait qu'on a tendance à chercher les gens qui ont du statut et à se tourner vers eux naturellement. Alors, bonjour, moi c'est Anne, et comme Kevin est dans mon salon, je squatte un petit peu la conversation, si vous permettez. Sinon, j'aurais écouté ailleurs. Et alors, en fait, moi je voulais revenir sur le statut imposé de l'extérieur et revenir justement sur le fait que ça a pour moi deux gros écueils. Il y a celui qui embrasse trop allègrement son statut, l'orga de Maslarp, qui est persuadé qu'il a mis l'ami, et le jour où il n'organise pas, eh bien, il tombe de très haut. J'en ai connu, parce que finalement, c'est quand même aussi de la popularité de cours de récré. On se retrouve à organiser les loisirs de 1000 personnes, et ces personnes vous sursollicitent tant qu'on est orga, et puis le jour où on n'est plus orga, ben, parfois la gestion du silence de Messenger peut être un petit peu rude. Et puis, d'un autre côté, il y a celui qui récuse ce statut et où n'en a pas conscience, enfin non, si, qui commence à en avoir conscience, mais à ce moment-là, il y a un risque de renforcer. Et là, je vais me référer au Nordic Talk de Muriel cette année, un complexe d'imposteur qui peut être très très fort. Et du coup, se retrouver à se dire, je n'ai pas le droit à l'erreur parce que. Telle ou telle communauté, parce que telle personne a peur de jouer avec moi, parce que je veux faire de la merde et les gens vont s'en rendre compte. Enfin, ça peut être vécu aussi de façon relativement douloureuse. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais dire. Alors, donc pour la seconde partie, l'accusation d'élitisme. Donc j'ai beaucoup aimé ce que Yankel en a dit dans l'introduction, que ça pouvait être une accusation qui était en fait une défense face à un mépris ressenti. Et la question se pose, est-ce que cet élitisme existe ou pas? Alors, moi, dans la mesure où il est ressenti, finalement, ça veut dire qu'il existe quelque part, mais pas forcément de la façon dont on le pense. Bon, tout d'abord, il y a quand même beaucoup d'organisateurs et organisatrices qui, après avoir passé beaucoup de temps à écrire un jeu, ont envie de le faire jouer à leurs potes, et c'est normal. Il et elle ont fourni un travail bénévole énorme. Moi, je ne vois pas de problème à ce qu'ils aient envie d'en faire profiter leurs amis. Il y a ça d'un côté, et c'est renforcé par les castings de jeux où il y a vraiment beaucoup d'inscrits, qui donnent l'impression à des pers aux personnes qui sont extérieures à certaines micro-communautés que c'est impossible d'être pris sur ces castings quand on ne connaît pas, quand on n'est pas connu dans la communauté. Ben, c'est quelque chose qui est, je pense, une très grosse exagération. Il y a peut-être un tout petit peu ce phénomène, mais il est, je pense, très exagéré. Déjà, la plupart des GN à casting réputés que je connais, que j'ai eu l'occasion de faire, avaient des places réservées pour des débutants, s'efforçaient de prendre des gens que les orgas ne connaissaient pas. Et par ailleurs, je suis quelqu'un avec un petit peu de statut social, pas non plus énorme, mais le fait que je joue depuis plus d'une dizaine d'années, que j'ai déménagé, ce qui m'a fait être en contact avec plusieurs communautés, le fait que je sois active sur Facebook, fait que je suis quand même un petit peu connue. Et pourtant, sur des jeux organisés par des gens dont je suis assez proche, ben ça arrive souvent que je ne suis pas prise, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup trop de. Enfin, beaucoup trop. Il y a énormément de gens qui se sont inscrits et qu'en fait, justement, les orgas vont parfois favoriser le fait de jouer, faire jouer des personnes extérieures. Donc, on peut se retrouver à être refusé sur plein de castings, même quand on a du statut, simplement par un hasard, un enchaînement de hasards. Mais lorsqu'on n'a pas de statut, on pense que c'est à cause de ce manque de statut, alors que ce n'est pas forcément le cas. L'accusation d'élitisme, je l'ai. Alors, quand on l'a évoqué dans d'autres lives scénaristiques, j'avoue que je l'avais imaginé différemment. Parce que je suis pas familière des jeux à casting, entre guillemets. Et j'ai plus tendance à en faire l'expérience, ou du moins à en entendre l'expérience, enfin surtout en fait, à en entendre l'expérience dans des jeux grand public et donc justement dans les communautés en jeu. Autant certains groupes sont très très ouverts, il y en a même où c'est des véritables moulins, autant je pense que dans beaucoup de communautés que j'ai pu voir, que ce soit même hors du GN, il y a déjà une tendance à une certaine forme d'élitisme qui se traduit par du classisme, donc que ce soit en critiquant et en se moquant des moyens financiers des GNistes débutants, souvent, par exemple, qui vont se ramener en basket à un GN Medfan, parce que bah, d'un autre côté, les bottes en cuir, ça coûte cher, et planquer ses baskets, c'est pas si simple, alors qu'un pantalon Med, et puis une chemise avec une robe avec un tabard par-dessus, ça prend 5 minutes, et tu peux même le faire pour un début de GN. J'avoue, je l'ai surtout vu comme ça, en fait, par une certaine moquerie du débutant qui n'a pas de moyens et qui trouve un peu ses marques. Et du coup, fatalement, on se retrouve aussi avec des débutants qui se retrouvent catapultés dans des jeux avec plus ou moins, enfin, avec un certain nombre de joueurs, que ce soit sur des mass LARP ou sur des petits GN à grand max 50 joueurs, et qui se retrouvent en fait complètement perdus. Et là-dedans, des fois, ils vont pouvoir trouver des joueurs auxquels ils vont se rattacher et qui vont suivre un peu partout et s'amuser avec eux. Et d'autres fois, bah, ils se retrouvent seuls, et quand ils essayent d'accoster les autres, on va leur dire: «Ah, t'as été con d'attaquer machin», alors que machin, eh ben, il le connaît, Niel Didadan. Parce que le statut, encore, enfin, comme tu l'as souligné, Zandera, c'est assez relatif finalement. Donc, le problème de l'élitisme, je pense qu'il faut aussi se le poser d'une manière assez simple, et c'est dans le sens du gatekeeping, du fait de fermer en fait souvent la communauté aux nouveaux et de la rendre très très peu accessible. Je sais que personnellement, si j'ai accédé au GN, c'est parce que des amis m'y ont entraîné. Je sais que j'ai fait découvrir le GN à d'autres amis. Mais derrière, je sais que bah, au-delà des gens qui t'amènent en GN, si tu trouves pas des départs dans un groupe, déjà c'est sûr que tu vas te faire face à cet élitisme et tu vas te le prendre tout de suite dans la gueule, parce que tu vas vouloir faire des choses et que des gens vont rire de tes efforts. Et de l'autre côté, tu vas te retrouver face à la fa face aussi des fois aux vieux cons de ton groupe, à ceux qui étaient là depuis plus longtemps et qui du coup se trouvent beaucoup plus légitimes que toi. J'aimerais bien une définition assez développée de gatekeeping, car c'est une notion que je ne maîtrise pas du tout. Alors je crois que ça en relève, mais c'est vrai qu'il y a une culture dans les micro-communautés de GN qui repose beaucoup sur les anecdotes. On en avait parlé lors du dernier live Sénat, sur des private jokes qui donne en effet un sentiment d'exclusion aux personnes qui arrivent, et donne un sentiment que ce groupe est élitiste puisqu'il parle son propre langage et non un langage accessible aux autres. Et donc il n'y a pas de volonté d'élitisme de la part des gens, mais je pense que tout ça vient du fait que nous sommes des structures totalement bénévoles, qui ne maîtrisons pas du tout les codes de la communication. Ce qui fait qu'on ne met pas en place suffisamment des structures d'accueil, des passerelles volontaires, c'est-à-dire que les passerelles existent en effet énormément, mais elles se font au petit bonheur la chance, parce que quelqu'un va prendre l'initiative d'aller jouer à un GN à l'autre bout de l'Europe. Et donc voilà, comme il n'y a pas de mise en place d'un système pour faire entrer les gens dans les groupes, au final, ça revient à faire de l'élitisme involontaire, je pense. Du coup, gatekeeping, c'est littéralement garder la porte. Et ça consiste à exclure les gens d'un groupe selon certains critères, et souvent en critiquant ou en doutant de leur implication dans le projet. Par exemple, on pourrait parler de la méfiance des joueurs de jeux vidéo masculins par rapport aux joueurs de jeux vidéo féminins. Et le fait qu'il, que en plus de lui suggérer au sexisme entre guillemets habituel, ont pour accusation principale que les filles n'aiment pas vraiment les jeux vidéo et qu'elles vont, elles veulent juste de l'attention et qu'elles veulent juste draguer et séduire les hommes et les attirer loin du droit chemin, ce qui donne à des cris de guerre comme Bigone Thought sur Internet. Mais je digresse, ce que je veux dire derrière ça, c'est que pour moi, le problème de l'élitisme est aussi, enfin pas seulement, hein, mais aussi et beaucoup, un problème de refus d'inclure certaines personnes ou dans une communauté, donc par des privés jokes, comme tu as pu l'évoquer, ce qui n'est pas forcément quelque chose de volontaire ou de conscient. On ne va pas forcément se rendre compte que là, tout de suite, on est en train d'être élitiste ou de garder la porte. Mais en faisant ça, on rend l'environnement peu accueillant pour les joueurs. Et du coup, ces nouveaux joueurs vont se sentir mal à l'aise, donc ils ne vont pas être dans une position pour faire ce qu'on appelle, enfin pour faire ce qu'on peut qu'appeler d'ailleurs de la performance entre guillemets en GN. Et du coup, ensuite, en plus de ça, on va leur faire double peine en leur disant qu'en plus, on avait raison de les exclure, puisqu'ils ils ne réussissent pas à se démarquer. Ce qui fait du coup forcément double peine, parce que le GN, ça se base, la performance entre guillemets en GN va se baser beaucoup sur des initiatives qu'on va avoir, que ce soit que ce soit la performance dans le sens où on va juste réussir à avoir un personnage mémorable qui va donner énormément de plaisir aux autres joueurs à interagir avec, ou alors de performance dans le sens où on va résoudre le scénario en courant absolument partout jusqu'au point où dès que quelqu'un a un problème il hurle votre nom comme ça a pu arriver à certains. Mais dans tous les cas, cette notion-là d'élite mène forcément à des attentes, en fait, pas seulement de la part des gens qui sont déjà géanistes, mais aussi des nouveaux géanistes qui se disent qu'ils doivent forcément être à ce niveau-là aussi, et se retrouvent face à des élites qui, eux, ne les démentent pas forcément. Puisqu'il y a aussi une certaine, donc avec la private joke derrière, ce qu'il y a c'est de l'anecdote, et cette anecdote construit quelque part donc une communauté, mais surtout un souvenir commun et une structure commune qui implique que si on n'a pas été là et qu'on n'a pas accompli quelque chose qui est digne de faire une private joke, bah quelque part on est inutile, on ne sert à rien et on n'a pas eu de performance en tant que géaniste. Je sais pas si je suis très très clair, je m'embrouille beaucoup, mais voilà. Je voulais rebondir sur cette histoire de corpus de référence commun qui serait excluant. Moi, je ne suis pas sûre, dans une certaine mesure évidemment, que les références communes ne sont pas au contraire au centre de ce qui bâtit une communauté. Alors, elle peut être au niveau d'un seul GN comme au niveau d'une communauté méta, nationale ou internationale. Mais quelqu'un qui arrive dans un GN Medfan et qui a des références, Nullbuck, va se retrouver intégré. Et sur les références plus micro, donc sur les blagues d'événements d'un opus précédent ou autre, je pense qu'au contraire, ça peut être un super outil d'inclusion des gens dans une communauté. À partir du moment où, quand on fait la blague, on raconte, on explique à la personne, alors elle participe du référentiel commun et elle participe à ce moment-là de plein droit dans la communauté. Après, il faut donner les moyens et il faut expliquer aux nouveaux venus ce corpus pour qu'ils puissent s'en saisir. Mais pour moi, ça fait justement partie du référentiel qui va permettre aux individus d'une communauté de se reconnaître entre eux. Après, là, j'ai pas grand chose à apporter au débat, mais j'ai une question plutôt à poser en fait à vous tous là qui écoutez qui écoutez. C'est intéressant donc de se poser de la question de comment l'élitisme naît, de comment il existe dans les communautés du GN. Mais surtout, ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'on peut le combattre en fait. Qu'est-ce qu'on peut créer comme structure, que ce soit dans un groupe ou dans un comment dire, dans une dans ou dans une ou même dans une unité de enfin ouais dans un groupe quoi. Qu'est-ce qu'on peut créer comme dispositif dans un groupe pour éviter une pour éviter en fait les bah du coup les statuts sociaux et le crédit et le capital social qu'on peut avoir et pour éviter que justement pour éviter aussi que le GN aussi est une offre finalement un capital initiative limité et qu'on se retrouve avec des joueurs qui souvent se retrouvent spectateurs pendant tout un GN parce que justement ils ne trouvent pas ni le temps ni la communauté finalement pour s'épanouir et ressentent toujours le besoin d'être quelque part des sidekicks dans l'histoire de tout le monde. Comment en fait on peut créer un environnement sans porte à garder? Pour moi, c'est vraiment une très bonne question parce qu'en fait, quand il n'y a plus de porte à garder, on la garde quand même. avec la Scénario Story, on a essayé d'avoir une structure horizontale avec... il n'y a pas de président ou présidente, il n'y a pas de... C'est un collège et tout le monde, tous les membres peuvent organiser des jeux et aussi prendre part au collège. Simplement en le demandant, en fait, il suffit d'en émettre le désir et on peut prendre part à l'organisation. Mais ce que ça a apporté au final, c'est le fait que puisqu'il n'y a pas de figure de proue, on ne sait pas trop vers où se tourner et en plus il n'y a pas, on manque de figure porteuse. Au point que en fait on ne sait plus trop quoi faire et je pense que c'est un des problèmes. Alors en France on a cette idée là cette culture de l'auteur ou de l'autrice, en fait, de l'orga de GN qui va être vraiment un orga unique ou un duo ou un trio d'orgas, en tout cas un petit nombre d'orgas qui vont être sur lesquels va reposer l'organisation totale du GN et ça crée une structure très verticale. Mais en même temps, là, pour avoir vu en Finlande, où c'est beaucoup plus co-créatif et les joueuses ont beaucoup plus de place dans la création et les équipes d'orgas sont beaucoup plus étendues, etc., on a un autre problème, c'est que, en fait, le coût pour prendre part au GN est tellement élevé en termes de coût d'accès, pas de coût financier, qu'il y a moins de gens qui veulent faire du GN parce qu'il n'y a pas il n'y a pas autant de figures saillantes et que donc les personnes savent qu'elles vont devoir s'y coller comme les autres. Donc quelque part, avoir des figures de proue proéminentes et quelque chose de très hiérarchisé comme on peut avoir en France, ça permet à des gens de rentrer dans le GN en se disant, bah, comme tu dis Rips, je vais être un sidekick forever. En maintenant cette hiérarchie-là, mais quand même, il y a des gens qui peuvent rentrer, alors que le côté positif d'avoir quelque chose de plus horizontal, ça crée un autre palier qui est un peu plus bas, en fait, au niveau de l'entrée dans le jeu. Donc, il y a encore, y a encore une porte, quoi. C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est que, fatalement, y aura toujours inconsciemment dans le groupe ceux qui sont dedans et ceux qui sont pas dedans. Donc, à part le fait de s'auto-fliquer en permanence et de se dire, attends, est-ce que je suis pas en train de reléguer machin aux bancs de touche? Il y a pas énormément grand-chose qu'on peut faire. Surtout que une association de GN ou un groupe d'organisateurs a besoin d'avoir une face tournée vers l'extérieur, autant quand c'est et pareil, un groupe dans un GN, une faction, va avoir besoin d'avoir une figure politique, quelqu'un vers qui on peut se tourner quand la faction a besoin de rendre des comptes aux autres factions, par exemple. Et donc, fatalement, quand les gens essayent de se représenter le groupe, ils vont aussi quelque part, même s'ils sont extérieurs en fait, créer une porte à garder. C'est-à-dire que on va se retrouver face à, mettons que, enfin voilà, j'ai un groupe, bah, voilà, tiens, un exemple concret, encore une fois une anecdote, mais c'est pas grave, on va admettre que c'est une faute, que c'est une faute, et puis voilà. Quand j'étais à Norland, j'étais dans un groupe qui s'appelait les Loups Noirs, et les Loups Noirs étaient la seule démocratie de tout le GN. On avait un système démocratique, il n'y avait en effet pas de chef, comme disait le nain, et on se retrouvait, on se mettait en cercle autour d'un feu et on discutait de ce qu'on allait faire. Sauf que les autres groupes comprenaient pas ça. Et alors c'était intéressant culturellement, hein, ça faisait un RP très très rigolo. Il y en avait qui faisaient des blagues sur nous, sur haha, ils ont de la démocratie, ça prend trois plombes. Mais surtout, fatalement, ils ont eux-mêmes créé un chef dans la personne de Creed, qui était le dirigeant des opérations militaires. Dans le sens où c'était quand il y a un coup de feu et qu'il faut réfléchir vite, c'était lui qui réfléchissait et qui gueulait des ordres. Mais du coup, fatalement, ce type est devenu le leader de facto de la faction. Et comme c'était quelqu'un de très toxique, la faction est devenue très toxique. Mais cette porte à garder a été créée principalement par les autres factions autour, en fait, par le regard extérieur. Alors oui, en effet, il se trouve que Creed, à côté, était un joueur qui prenait beaucoup d'initiatives, donc fatalement, il s'est retrouvé aussi dans un rôle de direction, mais c'était pas le seul. Et c'est le fait qu'il y avait ce regard extérieur et cette pression, du coup, sociale du reste du GN, qu'on s'est retrouvé, finalement, avec un leader et avec des favoris du leader, et donc avec un groupe dans le groupe et des gens qui étaient relégués totalement au rôle de sidekick. Donc il y avait ceux comme moi qui ont décidé de se barrer et d'aller faire leur propre caravane ailleurs avec du blackjack et des prostituées, mais globalement tout le monde s'est retrouvé soit dedans soit pas dedans. Donc je pense que c'est aussi important de se demander à quel point la présence d'autres groupes autour structure le groupe en lui-même. Là, moi, je vais revenir sur les idées recherche de solutions, qui est une question très difficile. Je pense que il y a moyen de dire que quelqu'un se consacre dans un groupe à ça. Alors, bon, si c'est une structure verticale avec un orga, ben ça va être l'orga. Si c'est une structure plus horizontale, ça peut être sous forme de mandat, on se répartit les tâches, et toi là, si tu es d'accord, tu vas t'occuper de faire en fait la communication et l'aide aux personnes qui veulent entrer. Donc ça passe par écrire noir sur blanc. Enfin, je pense que ça passe par écrire noir sur blanc dans les notes d'intention, les trucs d'inscription, tout ça, que telle personne est disponible pour discuter, répondre à toutes les questions, mettre un maximum de bienveillance pour encourager les gens à venir discuter, préciser que les débutants ou quasi-débutants sont bienvenus, qu'ils ou elles bénéficieront, si il ou elle le souhaite, d'un accompagnement pour les aider à s'intégrer. Et voilà, je pense que c'est des initiatives comme ça à l'échelle d'un GN, à l'échelle d'une asso, peuvent vachement aider à faire entrer des gens, soit des débutants, soit des gens venant d'autres types de jeux, par une communication et un accompagnement. Mais ça nécessite que quelqu'un accepte de s'y consacrer, ce qui est du boulot. Et comme je le disais, je pense que le fait que ce genre de choses ne soit pas souvent mis en place, ça vient du fait que nous sommes des structures bénévoles qui ne pensons pas à faire ça. C'est-à-dire que dans des structures plus professionnelles, on y penserait, je pense. Enfin, ce serait quelque chose qui serait dans le process, quoi, qui serait inscrit comme liste des choses à faire. Mais comme nous sommes bénévoles, nous n'avons pas de formation sur savoir comment gérer toutes ces questions-là, et donc il y a une absence à ce niveau-là. Ensuite, à l'échelle plus grande, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faudrait vraiment plus de passerelles officielles, plus de modes de communication entre les groupes, entre les assos, entre les pays, pour permettre aux gens de plus facilement s'intégrer. Je pense qu'il faudrait plus d'événements, alors peut-être à plus petite échelle ou plus fréquents, mais bon, tout ça demande beaucoup de travail et c'est dur de trouver des bénévoles, comme l'AboGN, qui est une truc, enfin qui est un, donc l'AboGN, c'est une semaine autour du GN avec à la fois des petits jeux qu'on peut jouer et des ateliers, des tables rondes. Donc il y a aussi bien apprendre à faire à customiser une arme que des tables rondes sur des questions plus théoriques. Et il y a aussi des choses plus de l'ordre du loisir et tout. Et ce genre de choses, c'est très efficace pour intégrer les gens, mais il faut déjà que les gens osent y entrer. Donc là, à l'AboGN, il y a une réflexion justement sur comment aider l'intégration de nouveaux. Par exemple, là, cette année, il est question de mettre en place un système qui s'appelle Mon copain à l'AboGN pour les gens qui viennent pour la première fois. Ils auront une personne qui connaît déjà l'AboGN qui sera là pour les aider à entrer. Voilà, donc d'autres événements comme ça, peut-être plus petits, mais avec un côté quand même, il faut qu'il y ait un petit côté pas juste conférence comme ça pouvait l'être à comme, les Géniales, mais un côté plus un peu familial de on est là pour être ensemble, mais en mettant des en traçant une route pour permettre aux nouveaux de venir, ça aiderait beaucoup, je pense, à intégrer et surtout à faire que les gens se sentent intégrés. Alors là, il y a une forme, il y a un public dont j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé. C'est les gens complètement extérieurs au GN aussi. C'est-à-dire que le recrutement de gens pour des GN, pour des conventions de GN comme l'AboGN dont parlait Zandera, ça se fait. Ça se fait parmi des gens, souvent par le bouche à oreille, et très peu vers le monde extérieur, vers des gens qui n'ont jamais tenté. Et je sais que ça peut être compliqué pour des gens intéressés par le GN, mais qui n'ont aucun contact dans la communauté GNiste, de s'y mettre et de faire leur première partie, en fait. Alors ça, justement, comme le GN se diffuse généralement par le bouche à oreille, c'est-à-dire par défaut, il se diffuse par le bouche à oreille. Si on ne fait pas d'effort spécifique, il se diffuse par le bouche à oreille. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts spécifiques pour le diffuser vers des gens qui ne sont pas du tout dans la communauté GNiste, si c'est ce qu'on veut faire. Voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé ça. Il y a déjà des choses qui se font dans cette direction qui mériteraient sans doute d'être faites plus abondamment. C'est par exemple à la convention Octogone en Rhône-Alpes, qui est une convention sur les jeux en général, je crois. Les RAGR organisent des mini-jeux, des mini-GN, qui font découvrir au grand public le GN. Et comme il y a plein de gens des RAGR qui sont là, je crois qu'ils ont un stand, je ne suis pas sûre comme je n'y suis jamais allée, ça les. Donc, on me donne la définition octogone, c'est une convention de jeu et de l'imaginaire. Donc, comme il y a les gens des RAGR qui sont là, donc. Le grand public va d'une part pouvoir tester ce qu'est un GN grâce à un mini-jeu et faire connaissance avec des GNistes qui vont ensuite pouvoir les orienter vers d'autres jeux, leur donner des contacts, leur dire qu'il faut s'inscrire sur telle page Facebook et ainsi les orienter. Il me semble aussi qu'à. Japan Expo, enfin ça a changé de nom depuis, je ne sais plus le nom, que ça, mais la FEDGN ainsi que Roll et parfois d'autres assos ont des stands pour discuter de ce qu'est le GN, en parler. Et je ne sais pas s'ils organisent aussi des mini-jeux. C'est possible. Ensuite, il y a aussi la nuit du GN ou différents événements comme ça qui sont très tournés vers le grand public. Sinon, RAGR organise parfois aussi des petits GN avec des structures comme des bibliothèques, il me semble. Donc voilà, il existe des choses qui font que le grand public peut découvrir le GN et commencer à se faire des contacts. Mais ensuite, c'est vrai qu'une personne qui a entendu parler du GN et qui chercherait à s'y intégrer sans être passée par une de ces conventions, je ne sais pas trop comment cette personne peut faire. Ok, je vais reprendre un petit peu alors sur ce que j'avais dit dans l'intro, donc juste mon point de vue par rapport aux divisions qui, à mon sens, existent au sein de la communauté du GN basées sur l'appartenance à des types de jeux ou à des thématiques qui sont abordées, mais des divisions qui sont souvent dues à un manque de connaissances de par ces barrières entre les types de jeux, puisque, hélas ou peut-être heureusement, ça dépend du point de vue, nombre de GNistes, je crois, ne pratiquent qu'un seul style de jeu. Et ce qui mène à un certain sectarisme qui est soit dû à un refus d'un certain changement. Le GN, ça a toujours été comme ça et c'était mieux avant. Éventuellement, une volonté de ne pas être associé aux autres GNistes, enfin ces autres GNistes qui ne font pas pareil, qui font d'autres styles de jeu, voire une volonté de pureté idéologique. Puisque en GN, comme dans toute autre communauté, groupe social, chacun pense détenir la vérité, entre guillemets, sur ce que devrait être le GN et se persuade qu'on pratique une sorte d'orthodoxie du GN. Et donc, pour moi, il y a des véritables fractures idéologiques qui s'opèrent sur face de ces lignes de conflit-là. Ben, du coup, j'aimerais ouvrir le débat avec quelque chose que j'ai constaté juste ici, justement, sur ces lives, dont ça va être mon troisième, je pense, si je ne me bourre pas. Et un truc qui revient souvent, c'est le fait que on a tendance ici, j'ai un peu l'impression, après c'est peut-être qu'une impression et j'attaque personne en disant ça, hein, je fais pas de reproche, mais on a un peu tendance à mépriser le côté attaché aux exploits passés de certains GNistes et le fait que beaucoup de discussions de GN tendent à tourner. Tendent à tourner en concours d'anecdotes, en concours de ah oui, mais moi une fois j'ai tué un dragon, ah ouais, mais une fois j'en ai tué deux et j'avais ma seule arme c'était un ongle et un très léger abus d'un loophole dans les règles. Et je trouve que ça part de petits trucs comme ça en fait. Déjà, ça se base quand même. Enfin, j'ai remarqué, en tout cas de mon expérience qui n'est pas forcément universel et qui n'est certainement pas basé sur des études de sociologie, mais ça part quand même beaucoup, j'ai l'impression, d'une certaine forme d'élitisme. C'est-à-dire que c'est pas juste une histoire de le vrai GN, comme ça, c'est comme ça, c'est aussi beaucoup du « le vrai GN, ça doit être comme ça ». Et telle ou telle attitude est forcément mauvaise d'approcher le GN. Or, je sais pas, pour certaines personnes, pour beaucoup en fait, le GN, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de choses, qui apporte un bonheur, qui est libérateur, qui est quelque chose qui, quand je cause de GN avec mes amis en général, on est tous d'accord pour dire à quel point ça nous a été bénéfique, à quel point ça nous a donné de la confiance en nous. Mais surtout, comme il y a toujours tendance à une certaine forme de gatekeeping, le sectarisme qu'on va pouvoir rencontrer se base souvent sur des petits. Enfin, va être justement la base du gatekeeping, en fait, du truc. C'est-à-dire que des petits dogmes, des petites lois, en fait, qu'on va s'inspirer, du genre, on va pas faire de référence au Monty Python ou à Nullbuck, ah là là, on va pas. Voilà, ça va être des trucs comme ça, basiques, mais ça va souvent être des trucs plus définitifs et des grands principes en fait qu'on va tenir sur qu'est-ce qui fait le bon GN et qu'est-ce qui fait surtout le bon joueur. Alors si je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il y a des pratiques qui sont validées à un endroit et bannies à d'autres. En revanche, l'exemple de dire que les anecdotes c'est pas bien, c'est pas un point de vue répandu. Il me semble que c'est moi qui l'ai amené et l'ai répété à plusieurs reprises. Ça vient de mon expérience personnelle où j'ai été vraiment très souvent gavée par cette attitude-là et où j'ai l'impression que ça constitue un gatekeeping. Mais en revanche, j'ai jamais eu l'impression que c'était une opinion répandue en fait. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai constaté dans tout type quasiment de jeu, sachant que j'ai fait du GN traditionnel autrefois. Si je n'en fais plus, c'est pas parce que je le refuse, mais pour des raisons de handicap. Je fais du romanesque, de l'expérimental, pour les trois principaux types de jeux que j'ai pu faire. En revanche, oui, il y a des pratiques qui sont clivantes. Typiquement, les ateliers, où dans certains groupes de GN, enfin certaines communautés autour d'un type de jeu, on considère que c'est vraiment absolument indispensable et qu'un GN qui ne fait pas d'atelier, c'est un GN d'arriéré presque. Et à l'inverse, des GN qui fonctionnent depuis des années des communautés de GNistes qui font depuis des années des GN sans atelier méprisent les gens qui font des ateliers en disant que c'est inutile, que c'est perdre du temps, qu'il peut y avoir aussi un peu du mépris par rapport aux ateliers liés à la sécurité émotionnelle. De dire que c'est un truc de chochotte. Et donc, il y a des mépris mutuels qui se constituent autour de certaines pratiques. En revanche, un truc qui avait été dit en intro, c'est que y a beaucoup de l'ignorance dans le mépris mutuel qui peut y avoir entre les types de GN. Et je pense que c'est vrai, mais pas totalement. Parce que, en fait, il y a quand même vraiment beaucoup de GN, de GNistes qui sont passés d'un type de jeu à l'autre et qui peuvent parfois renier un type de jeu qu'ils ont fait par le passé. Typiquement, des gens qui ont fait par le passé des GN traditionnels, qui aujourd'hui ne font plus que du romanesque, peuvent être moqueurs par rapport au GN traditionnel, sauf qu'en fait, ils sont fixés sur ce qu'était le GN traditionnel à l'époque où ils en faisaient, ce qui peut parfois remonter à 20 ans. Et donc, ils n'ont pas forcément une image très correspondant à ce qu'il est actuellement. Donc oui, il y a de l'ignorance, mais pas totalement. Lorsque je parle de GN traditionnel, ça vient de la comme ça. Enfin, Axel avait fait une typologie des GN et on avait qualifié de GN traditionnels les types de jeux qui existent depuis longtemps, qui sont souvent du médiéval fantastique, mais pas que. Ce sont des GN axés sur l'aspect ludique. On est là pour s'amuser avec un. Ça peut être par l'aventure, résoudre des intrigues. L'immersion émotionnelle n'est pas très forte. En revanche, il y a une forte immersion d'univers, souvent. Voilà, c'est une tentative de catégorisation qui n'est pas forcément totalement valide. Par contre, on avait fait la distinction entre GN traditionnel et Maslarp, puisque les Maslarp sont apparus assez récemment en France. Donc, même si les Maslarp sont issus des GN traditionnels, dans la typologie, on ne les considérait pas comme faisant partie des GN traditionnels. Je voulais brièvement prendre la parole pour rassurer un peu Zandera sur le fait de sur le fait de ne pas aimer quand les gens racontent leur vieux GN. Alors je suis moi c'est la première fois que je viens ici, et pourtant j'ai vraiment le même sentiment. Je rajouterais même que je me souviens d'un vieux magazine Casus Belli du début des années 90, avec des fiches de différents profils de raseurs, donc des gens gonflants pour un club de jeu de rôle, une communauté. Alors c'était pour le jeu de rôle sur table, mais bon. Et il y avait bien en toutes lettres le raseur phonographe qui, donc en bon phonographe, va réciter ses anciennes parties à d'autres joueurs. Alors, c'était pas vraiment présenté comme du gatekeeping, etc. Je ne sais pas si le terme était employé à l'époque, mais vraiment comme juste quelque chose d'ennuyeux. Et moi, bon, alors, bien entendu, entendre parler d'aventures auxquelles on n'a pas vécu, c'est ennuyeux. Mais ça peut effectivement être isolant. Je crois que quelque chose qui n'a peut-être pas été mentionné, c'est que je me suis déjà retrouvé avec des gens qui parlaient d'un GN où j'étais allé et où leur ressenti était tellement beau et tellement semblait supérieur au mien, parce qu'ils avaient winné leur GN ou parce que ils avaient plus ressenti de trucs que moi, je ne sais quoi, que ça déclenchait des sentiments bah, assez négatifs. Bon, Du coup, pour te répondre, quand je parle de gatekeeping par rapport au fait de partager des anecdotes, je parlais en fait de l'effet inverse. En fait, je parlais du fait que ici, en fait, on avait discuté, et enfin, le point de vue de Zandera sur le fait de partager donc du coup ces anecdotes. Était plutôt partagé par le reste du groupe. Et du coup, j'ai utilisé ça comme exemple d'opinion qui pouvait mener à du sectarisme. Je ne dis pas que Zandera est un gourou. Je ne dis pas qu'elle va bientôt nous demander de lui donner de l'argent afin qu'on puisse tous se barrer sur Mars. Je dis juste que c'est un exemple de croyance, entre guillemets, ou du moins de pensée. Autour duquel on peut construire une notion de qu'est-ce qui est du GN et qu'est-ce qui n'en est pas, de la même façon que sur les groupes de jeux de rôle, on va demander qu'est-ce qui est du jeu de rôle et qu'est-ce qui n'en est pas. Il y en a qui vont dire que les jeux, par exemple, qui sont narrativistes, qui vont donc, au lieu d'essayer de simuler un monde, vont chercher à simuler un scénario et donc avoir des règles enfin, tournées vers tourner vers la modification du scénario et l'influence des joueurs sur le scénario plutôt que sur l'univers en lui-même. C'est voilà, on va avoir des notions de est-ce que c'est du JDR, est-ce que c'est pas du JDR, est-ce que s'il y a un MJ c'en est un, est-ce que s'il y a des dés c'en est pas un. Mais avant tout, ce que je veux dire, c'est que voilà, là-dedans, il y a des pensées clivantes qui peuvent donc être une base de sectarisme. Mais du coup, pour revenir sur le sujet du sectarisme à proprement parler dans ces groupes, je trouve aussi que enfin, ça reste, on en revient toujours à comment est-ce qu'on peut éviter ça, comment est-ce qu'on peut ne pas de tomber dans un gouffre de la. Dans un gouffre de la privée joke où on a quelqu'un qui revient d'un week-end de GN et qui vous invite à aller chez lui et il se trouve qu'il y a tous les potes avec qui il a fait ce GN et quand vous arrivez, vous ouvrez la porte et ils sont tous en train d'invoquer le spectre d'André Bazin et vous vous demandez ce qui se passe et personne ne vous inclut dans le truc. C'est voilà, c'est comment on peut s'empêcher ça? Et la réponse que moi je trouve, c'est toujours un petit peu la même, c'est faut se fliquer. Faut se demander, est-ce que là, tout de suite, je suis en train de dire que ce type est un connard? Parce que la dernière fois que je l'ai vu en GN, il a insulté mon chef et mon chef, c'est ma vie. Ou alors, est-ce que là, tout de suite, je trouve que cette fille s'habille un peu olé olé? Parce que dans le groupe avec lequel je fais quasiment tous les GN, on attend une tendance au slut-shaming. Je sais pas, hein, je prends des exemples. Hein. Mais voilà, c'est à part. À part l'éternel, la réponse est en vous. Je ne trouve pas grand-chose à apporter comme élément de réponse, et j'espère que vous vous en trouverez, parce que moi j'avoue que en fait ça c'est une réponse qui est personnelle, et on n'est pas dans un film américain où le monde est sauvé parce que les héros ont trouvé un moyen d'échapper au capitalisme pour le moment. C'est là on est dans la vraie vie où ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver des solutions ensemble pour que les problèmes soient réglés pour tout le monde, et pour justement répandre une bonne ambiance dans les communautés autour de nous. Donc du coup, comment on fait pour combattre le sectarisme dans nos groupes et dans les groupes autour de nous? Alors, j'ai bien peur que ça soit quelque chose de très dur à régler, parce que ça, c'est quelque chose de général et pas que dans le GN. Quand il existe des communautés, les communautés se définissent par rapport à ce qu'est le nous, qu'est-ce qui est commun à nous, mais aussi et parfois surtout, qu'est-ce qui fait que les autres sont autres. Donc, il y a une pulsion à rejeter ce qui est autre, et donc ça peut être rejeter les non-géanistes. Bon, ben on les a déjà appelés les moldus ou des choses comme ça. Je le fais énormément moi-même, mais c'est une forme de rejet, et c'est aussi, mais c'est encore plus le rejet d'autres types de géanistes, puisque on rejette encore plus fort plus fortement ce qui est proche de nous, mais avec des légères différences, pour se différencier et renforcer la communauté, renforcer sa cohésion en la distinguant de l'extérieur. Donc, à partir de ce constat-là, à part éduquer les gens sur ces choses-là, ça me semble quand même très difficile. Car cette forme d'exclusion, de sectarisme, passe quand même beaucoup par le jeu des langues de vipère, j'ai envie de dire. On fait des blagues à propos des autres, on critique ce qu'ils font, enfin, tout ça, quoi. Et c'est le fait d'un peu tout le monde. Donc, j'ai du mal, voilà, à voir une solution générale qui ne passerait pas par l'éducation de tous les individus, mais ça, c'est quand même très dur à faire. C'est vrai que c'est très compliqué. Et puis, c'est comme tu le dis, c'est un problème qui est un problème de la société en général. Et surtout, le problème, c'est qu'on a tendance à, de toute façon, penser que quelque part, la solution se repose uniquement sur, encore une fois, sur des héros. C'est ce que j'entends en fait par les géanistes attendent des héros. Parce que bah, l'initiative reste tristement individuelle. On va rarement avoir des groupes d'action. On va avoir souvent, regardez, il y a Flynn, il est encore ramené, il se trimballe avec un bébé dans la plaine depuis 5 minutes et il y a des gens qui lui courent après. Vous pensez pas qu'on devrait le suivre? Ou les trucs comme ça. Et fatalement, le problème est qu'on a tendance aussi à se dire que nous-mêmes, on porte le poids du monde sur nos têtes et que du coup on doit se dire ah comment je peux ne pas être que comment est-ce que je peux enfin les solutions qu'on trouve aux problèmes de société sont souvent bah, très très individualistes. Comment est-ce que je peux ne pas être raciste là tout de suite, par exemple? On va tout le temps se fliquer, on va se fliquer, on a raison hein, c'est pas ce que je dis hein. On va ch surtout chercher à savoir comment est-ce qu'on peut là tout de suite ne pas être une mauvaise personne et éviter de répandre de la toxicité autour. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est important ce qu'on est en train de faire là tout de suite, hein, ensemble, sans vouloir avoir l'air de vous flatter tous. C'est juste que le fait de chercher des raisons ensemble, d'avoir une plateforme de parole qui est sécurisée, comment dire, qui est tolérante et qui est qui a une, qui est dans une volonté d'approfondir le problème et de l'étudier dans tous ses détails, et surtout qui est dans une notion de respect de l'un et de l'autre, c'est important parce que c'est comme ça justement qu'on peut s'assurer qu'en tant que communauté, on construit quelque chose où on peut éviter un maximum la toxicité. Ça restera jamais parfait, c'est clair, mais quand ensemble on s'assure de créer des espaces de discussion comme celui-là et de rendre ces espaces de discussion aussi peu dans le jugement et dans la garde de porte que ce qu'il pourrait être autrement, on s'assure au final de pas se baser uniquement sur l'initiative. C'est aussi pour ça qu'on a des lois, que ce soit des lois informelles dans un groupe ou des lois dans un État, c'est pour que la gestion des problèmes ne soit pas uniquement basée sur l'individu, mais sur un système commun et issu finalement de la volonté de la communauté elle-même. Ce qui fait que là, pour moi, on peut avoir une communauté qui régule sa toxicité, à défaut de ne pas être toxique, parce qu'elle sera forcément par plein de petites façons toxique, mais surtout une solution, enfin une communauté voilà, qui n'est plus en permanence en train d'attendre un héros, en train d'attendre une initiative et en train de suivre ces initiatives. Et puisque personne n'a l'air d'avoir de choses à ajouter, je vais juste continuer sur un tout petit point, et ce en quoi je relis ça au sectarisme, c'est le fait que ces règles peuvent créer des dogmes et donc du coup une certaine forme de sectarisme, dans la mesure où on garde une communication sur ces sujets-là, je pense qu'on peut y arriver, mais ça implique toujours de créer des espaces de discussion comme celui-ci. D'où le besoin, au final, d'avoir un espace de discussion geek, enfin, un espace de discussion géaniste, pour créer aussi, quelque part, une vraie communauté géanistique. Donc oui, je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de créer des espaces de parole, ce qui m'a rappelé un truc que j'avais pris en note pendant l'introduction. Je pense aussi que le sectarisme et aussi le sentiment de sectarisme vient parfois, un peu bêtement, du fait que les gens ne s'expriment pas pareil selon les régions, ce qui amène des incompréhensions. Moi, je viens de Franche-Comté, j'ai vécu en région parisienne, puis dans le sud-est, et dans ces trois endroits, les gens ne s'expriment pas de la même façon. Moi, quand je suis arrivée en région parisienne, j'ai trouvé les façons de s'exprimer parfois assez agressives, parce que ce n'était pas mon mode de communication. Et il y a une tendance à faire un certain type d'humour un peu virulent, qui peut être pris comme de la moquerie par des gens appartenant à d'autres communautés, alors que de l'intérieur, ce n'est pas du tout pensé comme de la moquerie. Ce qui d'ailleurs connecte à ce que j'avais dit tout à l'heure, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui font ou ont fait plusieurs types de jeux. Et donc par exemple, on peut avoir des personnes qui sont vues de l'extérieur comme des représentants ou représentantes du GN romanesque, qui font une blague à propos des GN traditionnels, sauf qu'en fait ils sont dans l'autodérision, mais ça va être pris comme une attaque. Ou encore, lors d'un petit événement qui rassemblait des gens de Rhône-Alpes et de région parisienne, là, je m'étais aperçue que la façon de parler des deux groupes était très différente. Il y avait une tendance à l'humour un peu piquant chez les Parisiens qui se retrouvaient pas du tout chez les gens de Rhône-Alpes. Je pense que ces différences de s'exprimer peuvent amener des incompréhensions et renforcer donc le sentiment qu'un groupe est sectariste et soi-même devenir sectariste en réponse, et enfin dans un cercle vicieux. Si juste pour dire une dernière chose sur ce sujet, Je pense que c'est quand même important de réattirer une dernière fois l'attention sur le fait qu'ici on a un très très bon espace de parole et qu'il faut qu'on fasse et que enfin surtout que ce que je trouve qui est la partie la plus importante, enfin ce qui fait que cet espace de parole est aussi libre et intéressant, c'est le fait qu'on définisse et qu'on insiste autant sur la définition des termes qu'on utilise. On a quand même un pool de personnes ici qui est globalement plutôt intellectuel. Moi, je connais pas des gros mots comme plein de gens ils utilisent ici et que voilà, mais bon, j'ai quand même, je sais quand même des trucs. Et mine de rien, enfin, même si mes termes sont surtout viennent surtout donc des discussions queer anglophones, et donc du coup ont tendance à être des termes anglais comme gatekeeping, on insiste beaucoup sur le fait de les définir, et ça c'est une autre chose qui pour moi est une soupape très importante au sectarisme et en fait à la toxicité des communautés en général. C'est s'assurer que la communication ne soit pas juste transmise à tout le monde, mais surtout s'assurer qu'elle est comprise par tout le monde. Et ça, ici, on le fait et c'est bien.